Quant aux 120 000 francs restants, cessez, monsieur, dit l'artiste. Je ne veux que ma chère Hortense. Voulez-vous m'écouter, bouillant jeune homme? Quant aux 120 000 francs, je ne les ai pas, mais vous les recevrez, monsieur. Vous les recevrez du gouvernement en commande que je vous obtiendrai. Je vous en donne ma parole d'honneur. Vous voyez, vous allez avoir un atelier au dépôt des marbres. Exposez quelques belles statues, je vous ferai entrer à l'Institut. On a, en haut lieu, de la bienveillance pour mon frère et pour moi. J'espère donc réussir en demandant pour vous des travaux de sculpture à Versailles pour un quart de la somme. Enfin, vous recevrez quelques commandes de la ville de Paris, vous en aurez de la chambre des pairs, vous en aurez, mon cher, tant et tant que vous serez obligé de prendre des aides. C'est ainsi que je m'acquitterai. Voyez si la dot ainsi payée vous convient, consultez vos forces. Je me sens la force de faire la fortune de ma femme à moi seul, si tout cela manquait, dit le noble artiste. Voilà ce que j'aime, s'écria le baron. La belle jeunesse ne doutant de rien. J'aurais culbuté des armées pour une femme. Allons, dit-il en prenant la main du jeune sculpteur et y frappant. Vous avez mon consentement. Dimanche prochain, le contrat, et le samedi suivant, à l'hôtel, c'est le jour de la fête de ma femme. Tout va bien, dit la baronne à sa fille, collée à la fenêtre. Ton futur et ton père s'embrassent.